des locataires, proposons tous nos revendications. S'il faut, nous les imposerons, mais aujourd'hui, ne nous laissons plus faire. À la Cloche de Bois, vous parlez des luttes pour l'accès au logement pour toutes et tous. Et en soutien en lieu de vie alternatif et autonome, avec ou sans papier, à Bruxelles et ailleurs. Une fois par mois sur les ondes de Radio Air Libre, Radio Panique et Radio Campus. Bonsoir à toutes et tous, on est ici à l'émission à la Cloche de Bois et on est en direct dans le studio de Radio Air Libre et on est ici à plusieurs ce soir. Bonsoir. Bonsoir, on a même une invitée. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Et donc on a Titi au technique et l'équipe à la Cloche de Bois au micro. Ce soir c'est le 9e épisode déjà de l'émission à la Cloche de Bois, voilà. Et Jean Janoux va commencer avec une rubrique Actu qui parle des actualités sur le logement, les squats et occupations du dernier mois. Ensuite, nous aborderons le sujet des expulsions en cours depuis la fin du moratoire. Et c'est des expulsions dans les squats, mais aussi dans des expulsions des locataires dans le marché de logement locatif. Et pour ceci, nous avons une invitée dans le studio ce soir qui vous parlera de son vécu. Et Balthazar a fait un entretien avec des squatteuses sur l'expulsion du squat rue des Drapiers. Et après, on prend une longue pause musicale et on vous lance une capsule sonore avec un entretien que j'ai fait avec quelqu'un qui continue à s'impliquer dans la transformation de la campagne de réquisition solidaire et qui évaluera la campagne qui est clôturée depuis fin mars 2021. Mais qui continue. Et à la fin, il y a le retour de la rubrique l'historique, parce qu'on a raté un peu la rubrique depuis les dernières émissions. Mais c'est pas vraiment historique, parce que ça parle aussi d'une actualité, d'un squat à Berlin qui s'appelle Kopi. Et voilà, et c'est là que Titi va nous en parler. Bon, cette émission, vous pouvez la réécouter après, mais ça c'est pour la fin de l'émission, je vais répéter ça. Donc c'est aussi diffusé à Radio Panique et Radio Campus, et cette mois-ci, on a un live en direct à Radio Panique, le mercredi 23 juin à 19h. Et on a toujours notre blog à la Cloche de Bois pour écouter les podcasts. Et si vous voulez écrire pour transmettre des infos, des propositions de sujets pour l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à lacloche-de-bois@13.net. Bon, on commence avec la rubrique news. Bonsoir, bonsoir les petits loups, les petites loups, c'est Jeannot. Toujours présent pour les news. On va commencer par se faire le relais d'une action du collectif Not Standing for Hypocrito Bourgeoisie Culture. Je parle toujours aussi mal anglais. Sur le site, le KFDA, Kunst Festival des Arts, annonce fièrement son partenariat avec le CPS de Bruxelles pour occuper l'Institut Pacheco et en faire le centre du festival ce mois de mai. Et souligne l'accueil chaleureux que leur public de culturo-bourgeois y recevra. Pour les personnes sans papier qui ont voulu s'y héberger en février, l'accueil était malheureusement moins chaleureux. 38 personnes ont été arrêtées, violemment, inutile de le préciser, lors de l'expulsion par la police envoyée par le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Claus. Vous commencez à le connaître, on vous en a déjà pas mal parlé. Le KFDA dit encourager le débat sur la géographie de cette ville, la ville de Bruxelles. Et pour ce faire, il assume sans honte la prévalence des activités bourgeoises sur la nécessité d'hébergement de centaines de personnes précarisées. L'art prime sur l'urgence sociale et sanitaire. Expulser et refuser un accès à un toit l'hiver durant une pandémie pour laisser place aux réflexions de quelques personnes élitistes, qui ne manqueront pas, soyons-en sûrs, de se faire la voix fantasmée des plus précaires. Traduit un projet admirable et cela va sans dire. Au-delà de l'expulsion, les propos du bourgmestre de Bruxelles couplée à la réalité du calendrier, interpelle. En effet, c'est le 26 février 2021 que plusieurs collectifs de personnes sans papier et mal logées ont voulu réquisitionner l'Institut Pacheco, vide depuis 4 ans. Ça, on vous en avait déjà parlé, mais on vous le rappelle quand même, ça a son importance. À la suite de l'expulsion violente, Philippe Claus a affirmé qu'il pourrait être ouvert à la possibilité de logement si une demande en bonne et due forme était introduite. Outre le fait qu'une telle demande avait déjà été faite par la voie des sans-papiers par le passé, demande qui a évidemment été refusée, c'est bien en février qu'ont eu lieu les négociations pour faire de ce bâtiment emblématique, inédit et singulier, donc tout à fait au goût de la mode de l'art, le centre du Kunstfestival des Arts. Il ne nous semble pas nécessaire de développer nos explications. Devant un propriétaire, même public, avec lequel négocier une occupation temporaire, certains publics sont plus sexy que d'autres, vous l'aurez compris. Soulignons enfin que le centre du festival se déplace chaque année. Si, et bien souvent, c'est un quartier en pleine gentrification qui est choisi, renforçant ainsi ce processus, souvent dirigé par des politiques en cours. Que ni le Kunstfestival des Arts, ce festival qui se veut critique de la ville, ni Klaus, ni Khalid Zayan, bisous bisous, on est de nouveau là et on parle de nouveau de toi, et qui se veulent tous et toutes socialistes, entre guillemets, ne se sentent gênés de faire de ce bâtiment devenu symbolique pour la lutte des personnes sans papier et mal logées, souvent des femmes précarisées d'ailleurs, un centre de festival d'art contemporain. Tout cela démontre bien leur priorité, un mépris des classes assumées. À Bruxelles, quand on parle de la ville et des chantiers qui sont en cours, ou dans ces cartons, les termes revitalisation, redynamisation, redéploiement urbain ponctuent les brochures et les discours. Comme si chacun, région bruxelloise et promoteur immobilier, regardait la ville-région d'en haut et pouvait remodeler ces quartiers populaires qui semblent délaissés pour les transformer et les rendre plus attractifs. Ces projets vont de pair avec un phénomène de gentrification à Bruxelles. Mathieu Van Kriekengen, professeur à l'ULB, en géographie et en études urbaines, étudie ce phénomène depuis plus de 20 ans. Il le définit comme toute forme de réaménagement de quartiers populaires à l'avantage de groupes sociaux plus favorisés. Dans son livre « Contre la gentrification » aux éditions La Dispute et également disponible à la Lapinothèque, il invite à observer ces transformations de la ville à hauteur de Bruxellois. Dans une récente interview, Mathieu Van Kriekengen, qui m'excuse si j'écorche son nom de famille, développe quelques pistes intéressantes pour expliquer le sujet et donne même quelques exemples comme le nouveau musée canal Centre Pompidou, qui n'est d'ailleurs pas encore officiellement ouvert, mais il existe déjà dans le sillage de ce musée canal Centre Pompidou une série de projets d'hôtels qui vont sortir de terre du côté de Molenbeek. Ces projets vont mettre un coup de pression sur le marché de l'immobilier et pousser le prix du logement vers le haut, évidemment. Ce phénomène va obliger toute une série d'activités de population à devoir payer plus pour habiter là où ils vivent déjà. Ou alors, il va limiter l'accès de ces espaces parce qu'ils seront devenus trop chers. On assiste donc à une double pression, en quelque sorte. Comme la pression immobilière augmente partout en ville, les quartiers populaires comme Anderlecht, Saint-Josse, Molenbeek, Schaerbeek sont les seuls qui restent accessibles aux personnes qui ont peu de moyens. Bruxelles met la pression sur le marché immobilier de manière artificielle. Et dans le même temps, la région bruxelloise s'est donnée pour mission d'accélérer la production de logements sociaux qui sont largement en dessous des besoins. On est presque à 50 000 familles sur la liste d'attente. Il y a un écart énorme entre les besoins et ce qui est produit. Dans l'interview à laquelle Mathieu a répondu, on lui avait posé la question de savoir si c'était intéressant pour lui qu'une ville se transforme. Ben, on est tous d'accord que, fatalement, par la force des choses, les villes se transforment. Mais pour Mathieu, ce n'est pas naturel. Ce sont des choix. Ce sont des choix d'investissement privé, mais aussi une série de choix politiques publics. Pour exemple, le long du canal, beaucoup de Bruxellois le connaissent, on peut souligner le plan canal, les projets de Belliris, les investisseurs de tours et taxis, le musée. Tout ça, ce sont des choix, des décisions prises par des politiques. Il n'y a rien de naturel. À la question de savoir si c'est normal qu'une ville se transforme, Mathieu le voit plus en des termes qui sont les suivants, c'est qui gagne et qui est-ce qui perd dans tout ça. Ici, on a une série d'évolutions qui favorisent une certaine frange de la population et laissent de côté une série d'autres. Pourtant, les besoins sont là, en termes de logements accessibles. Résultat, de nombreuses familles habitent dans des logements trop petits, des logements en mauvais état, parce qu'il n'y a pas d'autre option. Ou alors, l'autre option, c'est de quitter la ville, de partir. derrière ces décisions de déménager découlent des conséquences en cascade. Changer d'école les enfants, s'éloigner de sa famille, de ses amis, de ses connaissances, de toute une série de services que l'on a en ville. Le musée Canal Centre Pompidou ne va pas changer la situation des mal logés à Bruxelles. Pire, il risque d'empirer la situation. Pour Mathieu, on peut voir la ville soit d'en haut, c'est ce qui est le point de vue des gouvernants, ou des investisseurs par exemple. La ville y est vue comme un marché, un espace à développer, à aménager. Mais on peut aussi voir la ville d'en bas, c'est-à-dire à notre niveau, du point de vue des gouvernés. Concrètement, cela signifie que l'on va prendre en compte des questions de la vie quotidienne. Comment fait-on pour se loger, pour élever ses enfants, pour avoir des lieux de loisirs, etc., etc. Quand on regarde la ville d'en bas, depuis le vécu des gens des classes populaires, on se rend compte que la pression entraîne la gentrification. Les autorités ont tendance à prendre les classes moyennes comme étalon. Les classes moyennes sont dans la tête des politiques, des personnes qui gagnent bien leur vie et qui ont un capital culturel. Les classes populaires sont moins priorisées dans toute une série de politiques. Une dynamique immobilière que les autorités ne contrôlent pas. Tous ces investissements qui se font au nom de la revitalisation de la ville, sa redynamisation, tous ces investissements qui veulent donner un coup de fouet à ces quartiers qui ont l'air abandonnés alors qu'ils ne le sont pas, enclenchent une série de dynamiques immobilières que les autorités ne contrôlent pas. Je viens de vous le dire. Bruxelles se transforme et ce sont les classes populaires qui en payent le prix fort. L'analyse qui est faite par l'auteur est que les politiques mettent en place les conditions d'une gentrification sans avoir la main sur les conséquences de ce qui va se passer après. Il n'y a pas de volonté de chasser directement les personnes, il y a une sorte de politique qui ne contrôle pas les conséquences de ses propres mesures. D'ailleurs, ce n'est pas une garantie que cela va marcher, parfois il y a même du décalage. Ils pensent que la gentrification n'est pas une solution et qu'elle accentue les problèmes de tension, ça c'est Mathieu qui le dit. Le titre de son livre fait aussi référence à ces mouvements qui vont à l'encontre de ce phénomène. Des quartiers ne se transforment pas aussi vite que certains l'espéraient. Les quartiers populaires de Bruxelles n'ont pas disparu, mais la pression sur eux augmente. Les Marolles, par exemple, ou le quartier Evart-Anderlecht sont des poches de résistance. Toute l'activité de ce quartier Evart tourne autour des commerçants exportateurs de voitures d'occasion. On les a déjà tous croisés à un moment ou l'autre dans le quartier, agglutinés sur la rue et prêts à racheter votre véhicule. C'est un espace de travail, un commerce légal, qui fonctionne, qui a un chiffre d'affaires important. Même s'il est menacé par un PAD, c'est pas un vilain mot, c'est un projet d'aménagement directeur, qui n'est pas favorable à l'activité des voitures. Plutôt que de réfléchir toujours à partir de modèles comme la ville durable, intelligente, créative, et puis essayer de la calquer sur ce qui existe, Mathieu plaide dans son livre pour partir de ce qui existe, les forces, les problèmes, pour l'améliorer, pas le transformer. Vous l'aurez compris, ce livre de Mathieu van Kriekingen est un livre à mettre entre toutes les mains de ceux qui ont à cœur de défendre une politique de logement juste, à caractère social et populaire, pour défendre les plus faibles et permettre à toutes et tous de vivre décemment avec un toit au-dessus de leur tête. Sans transition, il y en a qui ont beaucoup de toits au-dessus de leur tête et qui veulent s'en séparer. La Commission européenne va quitter la moitié de ses bâtiments. La Commission européenne va réduire le nombre de bâtiments qu'elle occupe pour s'adapter aux nouvelles habitudes de travail et réduire son empreinte carbone. D'ici 2030, la Commission projette de passer de 50 à 25 bâtiments en région bruxelloise. Elle n'aura plus d'implantation en dehors du quartier européen et du quartier Rogier. La volonté de la Commission européenne de rationaliser son portefeuille immobilier à Bruxelles n'est pas neuve. En 2007 déjà, il était question de concentrer l'activité autour du rond-point Schuman et sur 3 autres sites maximum. Une stratégie qui n'a pas pu être pleinement implémentée jusqu'ici, notamment en raison de lenteur urbanistique de la région bruxelloise. Le plan d'aménagement directeur, le PAD, loi qui doit permettre de construire des immeubles plus hauts et de renforcer la mixité de fonction dans le quartier européen, n'a ainsi toujours pas été adopté. Et moi j'irais jusqu'à dire que c'est tant mieux. Loin d'être abandonnée, cette stratégie de rationalisation semble, au contraire, connaître une accélération puisque la Commission planifie désormais d'abandonner tous les sites satellites d'ici à 2030. Cette accélération, on la doit vraisemblablement à la crise du Covid. Depuis mars 2020, la majorité des employés de la Commission travaillent à leur domicile, dans la nouvelle stratégie de ressources humaines, qui n'est pas encore finalisée. Il est question de poursuivre le télétravail massif au-delà de la crise sanitaire, avec au moins 2 jours en présentiel par semaine. Fini les bureaux attitrés, les employés rejoindront des espaces partagés et modulables. Waouh, ça fait rêver. Comme bon nombre d'entreprises, la commission opte donc pour le flex desk. À ce stade, il est prévu de supprimer 20% des postes de travail. La gestion des bâtiments pour la prochaine décennie repose sur trois axes. Une réduction de l'empreinte carbone, une optimisation de l'espace et le regroupement des différentes directions générales dans les pôles thématiques. Actuellement établi sur une surface totale de 780 000 m² en région bruxelloise, la Commission européenne entend réduire cette surface à 580 000 m² d'ici à 2030. Concrètement, il s'agit de concentrer tous les pôles autour de l'axe de la rue de la Loi, aux abords du cinquantenaire, et d'abandonner tous les autres sites. La rue de Genève, Beaulieu, le Champ de Mars. Je vois déjà des sourires qui disent des bureaux vides, donc des bureaux à occuper. En dehors du quartier européen, seul Rogier serait maintenu et développé pour accueillir l'ensemble des agences exécutives. Selon nos infos, la Commission amorcera le regroupement des pôles dans le quartier européen d'ici à la fin de l'année. Ce qui implique de délaisser la plupart des bâtiments du site Beaulieu à Oudergem, vous pouvez trouver l'adresse sur Internet, où les contrats de bail arrivent à échéance. Les trois bâtiments de la rue de Genève à Evere seront tous désertés dès les années à venir. À partir de 2025, la Commission européenne remettra également sur le marché immobilier toute une série de biens situés sur l'axe de la rue de la Loi. Contactée, la Commission européenne n'a pas confirmé cette volonté de réduire la moitié du nombre de ces buildings occupés, ni de quitter ses implantations satellites à l'horizon 2030. Je les cite, « La Commission adapte constamment sa politique immobilière aux nouvelles réalités et besoins. La Commission s'efforce de mettre en place une administration verte, numérique et moderne, offrant au personnel un bon environnement de travail. La politique immobilière prendra en compte l'impact Covid, manquerait plus que ça, avec une utilisation plus large et plus généralisée du télétravail et les objectifs du Green Deal européen, afin de réduire son empreinte carbone, commente son porte-parole. Il précise que la politique immobilière sera déployée sur 10 ans, au rythme de l'échéance des baux ou de l'achat de nouveaux bâtiments, et que les plans sont indicatifs et sujets à d'éventuels ajustements ou modifications en fonction de la réaction du marché de l'immobilier. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à spéculer. Si vous savez lire entre les lignes, c'est ce que ça veut dire. Pour en terminer sur ce sujet, plus que de diminuer le nombre d'espaces de travail, nous pouvons rappeler une proposition, enfin je peux rappeler une proposition qui avait été faite à l'époque par voie d'autocollant et qui proposait aux eurocrates de se servir de leur cravate. Petit clin d'œil aux compagnons qui avaient eu cette bonne idée. En parlant de compagnons, certains d'entre eux, actifs sur la question des squats dans la région de Gand, nous ont envoyé un petit mail à la cloche de bois à trize.net, car ils se lancent dans un projet rédactionnel utile et ambitieux. Environ un an s'est écoulé depuis l'annulation partielle de la loi anti-squat par la Cour constitutionnelle. D'après ce que nos compagnons comprennent, cet arrêt de la Cour a principalement entraîné la suppression de l'article 12 de la loi anti-squat. Cela garantissait que les faits relevant de l'article 4.42, invasion, occupation, séjour dans la propriété d'autrui, pouvaient être immédiatement expulsés sous ordre du procureur. On peut supposer que la situation sur le terrain restait plus ou moins la même depuis cette date. Le squat continue, mais l'incertitude règne. Le sort des squatteurs et de leurs propriétés semble entièrement dépendant d'une multitude de facteurs. Les directives locales, la bienveillance ou la réticence des juges individuels, l'ignorance ou l'expérience des policiers, et surtout, leur propre expertise juridique et leur persévérance. Nos amis Grantois veulent écrire une brochure actuelle pour créer un peu d'ordre dans ce chaos. En d'autres termes, ils veulent savoir exactement ce qui reste de la politique de tolérance légale, la zone grise qui rend possible le squat. Ils veulent également avoir un aperçu de la pratique. Dans quel endroit et dans quelles circonstances est-il encore possible actuellement de squatter? Ils ont un tas de questions. Par souci de commodité, ils ont fait un petit questionnaire. C'est un guide pour vous et pour nous, pour comprendre et pour vous poser des questions d'ordre par exemple juridique, avec des questions comme « le squattage anonyme semble être hors de propos » et « si l'on veut éviter une procédure correctionnelle, est-ce vrai ?»« Un squat peut-il encore expirer et être éventuellement régularisé après des décennies ?» Quelle est la durée la plus courte, la plus longue possible pour occuper un squat? Des questions pratiques, par exemple, êtes-vous au courant de poursuites pénales, condamnations pour squatteurs? Où en est la répression policière la plus sévère? Dans les grandes villes ou dans les zones rurales, dans les communes côtières ou à la recherche de soi-disant transmigrants? Avez-vous remarqué une différence de traitement entre les sans-papiers, les caravaniers, les squatteurs militants, les personnes sans-abri enregistrées? j'arrive tout doucement à la fin de mon propos et je vous informe que donc, si vous voulez répondre à toutes ces questions pour aider nos amis Grantois à réactualiser leur brochure, vous pouvez leur envoyer un petit mail à notre adresse à la cloche de bois @riseup.net et nous nous ferons un plaisir de faire suivre. Je vous embrasse tous et toutes et la lutte continue. À bientôt. Et après cette petite pilule informative plus que dense, on va s'écouter Nadia Roses avec son titre Squat, Squat, c'est un détournement. Some punchlines that'll go over your head. Turn back, I'm a portion ahead. I'm your worst nightmare, stood over your bed. So them girl try call me, but I smell defeat like a hole in your breath. Wow, she's sick and she's bad. She sings and she raps, she shit and she's whack. They talk all that chat, but when they see me, don't speak none of that. Cause nobody bad like me. I'm fucking higher than a block of flats in Battersea. Whoa. And I'm with my team. Squally, where you at, my J? I'm rolling 10, yeah, up on that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10, yeah, up on that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10, yeah, up on that squad. Fucking with my squad? I think not. Me and my bitches, we roll deep. And we always got green, so we pretty much peas in a pod. I was at the scene, had to flee from the cop. I go inside with no keys for the locks. Excuse me, madam, how did you get on the premises? Well, I came to kill off my nemesis, so I used my juju when I came up in the crevices. Them bitches say they're bad, but I'm from where the fucking devil is. So if they get me mad, we're in the yard disturbing residents. And we leave out the yard, hop in the car, dispose the evidence. Cause nobody bad like us. Nobody bad like us. But really, we don't want no fuck. Someone roll them blunt so we can turn shit up. Squally, let me see you brush your guns. I'm rolling 10, yeah, up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10, yeah, up in that squad. I'm rolling 10, yeah, up on that squaddy. Came true with the clan, came true with the posse. I came with Mary Jane's, I'm came in it with Molly. Nuff girl in it, that's the way you roll, squaddy. Nuff girl in it, that's the way you roll out. If the line's good, you have to get your phone out. Bare skin teeth when we pose for the photo. Some girl are braided, some girl are in cornrows. But still one dread if we have to. The heart is still like a statue. Been on my grind like my back tooth, yeah. Take out the time, but I fight zoots. What else? Step on the gas, take the back rooms. Why? Cause if my bitches need me there, well, I'm coming. And if I ain't got the witch, yeah, I'm running. I do it for him, it ain't nothing. Squally, let me see you brush your something. I'm rolling 10, yeah, up on that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10, yeah, up on that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10, yeah, up on that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10, yeah, up on that squad. That's what? That squad. I'm only 10 girl up in that squad. That's what? That's squaddy. That's the clan. That's the posse. That's them. That's moi. Salut Vanessa. Bonjour Titi. Et donc, tu vas te présenter. Tu vas te présenter de manière humaine, mais c'est ton côté locatif qui nous intéresse, bien entendu. Et donc, raconte peut-être simplement ton histoire en tant que locataire ici à Bruxelles. Je pense que tu loues un logement depuis... À Saint-Gilles, en fait. Oui, surtout. C'est ça. C'est ça qu'il faut préciser, je pense. Oui. Parce que c'est vraiment particulier. Donc, en fait, moi, je suis une femme isolée. Donc, sous mutuelle, donc qui touche 1264 euros par mois. Et quand on a ce prix-là et qu'on trouve un studio à 650, tout compris, ben, on saute dessus, ce que j'ai fait. Je ne me suis pas rendu compte que j'étais logée dans une cave. Au début, tout allait bien pendant quelques mois. Puis, je suis tombée très malade. J'ai passé 3-4 mois à l'hôpital. Et quand je suis rentrée, ma propriétaire est devenue un monstre, en fait. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot... à dire que ça. Elle m'a rendu la vie insupportable. Elle m'a accusée de prostitution. Elle m'a accusée d'avoir fait effraction dans son logement. Elle m'a accusée de choses hallucinantes. Tout ça pour que je parte. Et donc, je voulais un peu aider les gens qui sont, qu'elle veut m'expulser, qui sont dans la même situation que moi, leur expliquer quelles sont les possibilités qu'ils ont pour se défendre. Alors, il faut savoir que le CPS, il est débordé. Donc, c'est même pas la peine d'essayer d'aller frapper à leur porte. C'est pas de leur faute. Il y a trop de dossiers. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'étais frappée à la porte de la CAFA, qui sont des gens merveilleux, dont une assistante sociale qui s'appelle Nathalie Van de Velde, et qui écoute votre situation, qui la comprend, et qui vous dirige tout de suite vers un avocat Prodéo, dans un premier temps, donc un avocat d'urgence, en fait, qui se situe près de la gare du Midi, et qui vous donne en parallèle des Prodéos du barreau. Donc, parce que le Prodéo d'urgence, il n'a que pour vous voir une fois, il ne vous suivra pas. Donc, ce qui est extraordinaire de la part de la CAFA, c'est que moi, grâce à eux, j'ai trouvé un avocat Prodéo qui est en train de s'occuper de mon dossier. Il faut aussi savoir que si vous logez dans une cave, s'il vous plaît, on n'a pas le droit de loger les gens dans des caves. C'est complètement interdit par l'urbanisme. C'est condamnable. Toute personne qui fait ça, en général, ne déclare pas son logement à l'urbanisme, donc ne déclare pas le loyer non plus. Donc, vous savez ce qui s'ensuit, fraude, impôts et tout le bazar. Donc, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a dit « appelle l'urbanisme ». Effectivement, le logement était illégal. Puis la personne qui était nommée à la conformité des logements est venue me voir. Il s'appelle Pascal Lenoir. C'est quelqu'un d'extraordinaire et de très humain. Et c'est lui qui décide si votre logement est conforme. Il a décidé que mon logement ne l'était pas. Donc, ça joue évidemment en ma faveur. Il faut surtout pas laisser tomber les bras. Il faut se dire que quand on est dans une situation comme ça, on a peur parce qu'on se sent dépassé. On se dit qu'on va se retrouver à la rue. Ça a été mon cas. Je suis malade. Je me suis dit, je vais me retrouver à la rue malade, toute seule. Et puis, j'ai aussi été frappée. Il faut savoir qu'il y a cette possibilité-là à la porte de l'assistante sociale des affaires de l'échevine sociale. Et cette femme est extraordinaire, elle l'écoute, elle essaie de vous aider et elle vous mène aussi sur d'autres pistes. Donc elle va vous aider à vous reloger. Elle va essayer de faire de son mieux en tout cas pour le faire. Alors juste pour rebobiner un petit peu les événements, donc tu as eu un séjour de plus ou moins 3 mois à l'hôpital, tu es rentré dans ton logement et qu'est-ce qui s'est passé? Et ça s'est passé à quelle période? En avril, là maintenant. Ouais. Quoi. Et je ne sais pas, je pense que ma propriétaire a pété un câble. Elle m'a accusée d'avoir vidé sa cave à vin alors que j'étais sous Baxter et son entéronasal. Elle m'a accusée d'avoir fait effraction de notre propre domicile. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Elle a dit qu'elle avait porté plainte à la police alors qu'il n'y a aucune trace. Elle a fait vraiment tout ce qu'elle pouvait pour que je me barre de là, alors que mon comportement à moi n'avait pas changé. Donc je n'ai pas du tout compris ce qui s'était passé. Et j'ai bien été forcée à un moment donné de réagir pour ne pas rester dans la victimisation. Oui, Gwen, je vois que tu... Oui, c'était juste parce que... Est-ce que c'était aussi parce que tu n'avais pas pu payer ton loyer ou rien à voir? Rien à voir. En plus, j'ai payé mon loyer et j'ai payé les charges. Il faut savoir que pendant 3 mois, j'ai payé les charges qui sont de 75 euros de mon logement vide et que jamais elle ne m'a proposé d'enlever ces charges. Il faut savoir aussi que dans ces caves et quand vous avez les charges comprises, ce qui est très dangereux, par exemple dans mon cas, c'est que moi, je n'ai pas le droit de me chauffer. C'est-à-dire qu'elle décide, il faut savoir que c'est une prof de droit à l'UCL, donc ce n'est pas n'importe qui, décide de quand vous vous chauffez, c'est-à-dire 1 heure le matin, 1 heure le midi et 1 heure le soir. Donc vous pouvez crever de froid le reste du temps. Moi j'ai un chauffage d'appoint qui, dit-elle, me suffit. Je suis un peu perdue par ta question, Gwen. Désolée, mais c'était juste pour comprendre pourquoi elle t'attaque avant. Il n'y a aucune raison. En plus, j'ai toujours payé mon loyer 5 jours avant la date. J'ai toujours été... Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Toujours est-il qu'elle a installé une caméra de surveillance en face de la porte de mon appartement, ce qui est absolument illégal. Il faut que vous le sachiez tous. Si ça vous arrive, là, vous pouvez vraiment porter plainte. Voilà, l'important, c'est surtout, je pense, pour les gens qui parlent pas bien français, qui ont du mal à s'en sortir, retenez CAFA. C'est vraiment, c'est rue du Fort. Ce sont des gens extraordinaires qui vous reçoivent, que vous parliez français, arabe, chinois, japonais. Ils vous aideront. Allez frapper à la porte d'Elisabeth Portois aux affaires sociales de Saint-Gilles. Et surtout, surtout, si j'ai vraiment quelque chose à dire, c'est on croit qu'on n'a pas la force, on pense qu'on est des victimes, mais en fait, on n'en est pas. Moi, je peux vous le promettre. Pourtant, je suis malade et je pourrais vraiment avoir abandonné. Mais on n'est pas des victimes et il faut se battre contre des propriétaires qui sont des dictateurs, en fait, et qui nous tiennent par le fait que s'ils disent non, eh bien, on est à la rue. Et ça, c'est quelque chose que je refuse et que je ne veux plus entendre jamais, jamais de ma vie, en tout cas. Et donc, dans tes démarches multiples, tu en es arrivé où ? En fait, c'est quoi le point d'attaque que tu suis ? Le 15 juin, il y a une audience devant le juge de paix pour expulsion. Donc, où elle m'expulse. Je vais être très honnête, hein, où elle m'expulse pour prostitution, usage de narcotiques et violence. Je ne sais pas où elle a été chercher ça, mais quelqu'un qui a un cancer stade 2 a vraiment du mal, à mon avis, à se prostituer. Excusez-moi, j'ai envie d'en rire, parce que c'est tellement débile. Et je sais que mon avocat est en train de faire en sorte qu'il y ait un arrangement à l'amiable, parce que je compte m'en aller le 7 juillet, parce que j'ai eu la chance d'avoir trouvé un logement. Je sais que c'est une très grande chance. Je me suis beaucoup battue pour ça aussi. Et je sais que c'est pas la chance de tout le monde, malheureusement. Et je le souhaiterais. Mais c'est, voilà, c'est comme ça. Je me suis beaucoup battue. Peut-être que c'est ma chance aussi. Hein, mais, et donc voilà. Et puis il s'en suivra ce qui s'en suivra. Donc j'ai pas envie de parler maintenant. Mais je veux bien revenir par contre en septembre ou octobre, vous en reparler avec grand plaisir. Mais surtout, enfin, mon message aux gens, c'est vous laissez pas faire, ne pensez pas que vous êtes des moins que rien, ne pensez pas que vous êtes, excusez-moi du mot, de la merde, vous avez des droits, et ces droits, vous devez vraiment, vraiment, vraiment les défendre. Enfin, je vous en supplie, vous laissez pas faire. Ça a été mon leitmotiv depuis 3 mois, et même si ça me bouffe et ça me fait beaucoup de mal, ben, je me laisse pas faire. En gros. Si tu as encore des questions, Titi, je suis toujours là. Oui, ben oui, mais je me disais donc du coup, aussi ce qui est important que les gens sachent dans ta démarche, c'est le fait que des logements sont loués, donc des caves, donc des logements insalubres. Oui. Et du coup, ça c'est un bon appui pour les gens pour faire une défense. Absolument. À partir du moment où vous êtes loué dans une cave ou dans un sous-sol, le propriétaire est en illégalité. Donc, vous contactez tout de suite l'urbanisme. Ça veut dire que le propriétaire n'a pas déclaré le logement. Ça, c'est certain. Surtout s'il vous fait charge comprise, chauffage, machin. Ça veut dire que c'est absolument illégal et qu'il ne déclare évidemment pas son loyer. Donc, je crois que tout ça est un petit peu... surtout, dès qu'on est dans une cave, il faut réagir. Dès qu'on voit aussi quelque chose qui ne va pas dans son logement, qu'on voit qu'on est logé avec des triplettes partout, que l'électricité, il y a quelque chose qui n'est pas normal, qu'il faut réagir tout de suite, en fait. Il faut faire appel à l'urbanisme, à Pascal Lenoir. Il faut vraiment essayer de prouver qu'on est dans un logement, en fait, qui n'est pas sain et qui est dangereux aussi. Parce que, par exemple, chez moi, le moindre je sais pas comment ça court-circuit pourrait provoquer un incendie carabinier, quoi. Mais ça, c'est pour les personnes qui habitent à Saint-Gilles. Parce que oui, ben, je ne peux pas parler. Oui. Malheureusement, j'aimerais parler pour tout le monde. Moi, je ne peux pas parler pour tout le monde. Là, je parle effectivement de mon cas, qui est le cas saint-gillois. Donc, je donne la marche à suivre pour les saint-gillois. J'aimerais bien pouvoir donner la marche à suivre pour tout le monde. Et j'essaierai d'aller habiter dans toutes les communes et de revenir dans 10 ans tout vous raconter. Bon, ma radio de l'air libre à FM, ça se diffuse que pour à Saint-Gilles, donc d'accord. Donc, voilà, les gens nous ont bien écouté. Est-ce que tu as encore des questions, Titi ? Non, c'est plus dans qu'est-ce qui se passe quand un propriétaire loue un logement, comme c'est le cas de ta propriétaire, et que c'est illégal. Elle risque ? Oui, qu'est-ce qu'elle risque ? Sans rentrer dans les détails, en alors, restant, elle risque, qu'est-ce qu'elle en pourrait fait, risquer Elle entre risque, autres. C'est pas qu'est-ce qu'elle pourrait risquer, elle va devoir payer tous les loyers depuis le moment où vous êtes entré dans le logement, plus des dommages moraux, plus la garantie locative. Donc voilà ce que risquent les propriétaires. Et en général, à Saint-Gilles, comme la juge est assez pro-locataire, ça se passe plutôt bien pour le locataire en général. Surtout quand il y a des effractions terribles qui se passent. Et surtout, en tout cas pour moi, moralement, ce qu'elle me fait vivre, parce qu'elle vient hurler devant ma porte, elle vient... Et c'est devenu insupportable, quoi. J'essaie d'avoir un moral d'acier, mais c'est compliqué. Voilà, un petit peu l'histoire que j'avais à raconter. Mais si tu as encore des questions, je suis open. Je voulais juste dire que vous avez quand même dit tantôt aussi que vous êtes quand même aussi allé voir le front anti-expulsion. Oui, pour aussi donner un peu toutes les choses que tu as vécues. Exactement. Là-bas, parce que le Front anti-expulsion, c'est quand même un collectif qui essaie aussi à aider, à soutenir les gens dans les procédures. Oui, exactement. C'est-à-dire que je me suis dit, parce que je suis quelqu'un qui vit dans l'idée toujours d'aider l'autre, que c'était important de d'expliquer ce qu'on pouvait faire pour se défendre quand on se retrouve dans une situation comme ça. Parce que là, moi, j'ai trouvé vraiment des clés et j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait ce putain de gouvernement et ce putain d'urbanisme et ces putains de propriétaires. Excusez-moi, j'avais besoin de dire tous ces vilains mots. Mais oui, c'est important de partager tout ça. Et c'est pour ça que je suis là aussi ce soir. Parce que, pour trouver le chemin dans tout ça, parce que c'est pas évident du tout. Aider les gens. Et d'ailleurs... mon adresse mail, c'est vanessacasting@yahoo.fr. Vous avez des questions, je répète mon adresse, vanessacasting@yahoo.fr. Vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Voilà. Ben, super, merci Vanessa. Très bien. Avec un grand plaisir. À très bientôt et on s'écoute. Mon proprio est un con. Ouais. Mon proprio est un con, une conne. Yes. Importe le genre. Ça. Une grosse conne. Excusez-moi, voilà. J'avais besoin de le dire. Mon proprio est un connard. Mon proprio est un connard. Mon proprio est un connard. Il est blindé de thunes. Et c'est un cruel don. Il s'en fout plein les poches. Il se fout de mon bien. Mon proprio est un connard. Mon proprio est un connard. Mon proprio est un connard. Mon proprio est un connard. Et en plus il est gros. Il est moche. Il est dégoûtant. Quand je le vois, j'ai l'impression d'être en face d'un vilain requin. En putréfaction. Mon proprio est un connard. Mon proprio est un connard. Mon proprio est un connard. Mon proprio est un connard. Ben voilà, c'était bien clair. ensuite, bon, il y a encore d'autres connards. Parce qu'il y a aussi un squat qui vient d'être expulsé rue des Drapiers. Et donc, il y a des squatteuses qui vous parlent dans cette capsule sonore que Balthazar a interviewée. Voilà. Alors... est-ce que vous voulez bien vous présenter et me dire ce qui vous est arrivé récemment? Alors, on est Clémence et Manon. Et récemment, on s'est fait expulser d'un squat qu'on avait ouvert le 7 novembre, donc de l'année passée, 2020. Et voilà, on a dû partir, l'expulsion était prévue pour le 26, et on est parti un peu avant pour éviter d'autres frais de justice supplémentaires, notamment des frais d'huissier. Ok. Voilà. Et vous savez ce qui va se passer dans ce bâtiment ? Ah mais d'ailleurs j'ai rêvé de ça cette nuit. Je m'en rappelle pas. Il y a une... En fait ils disent qu'ils veulent vendre, mais en fait il y a la femme, la compagne actuelle et propriétaire qui est aussi en train de... finalement de donner des cours de danse dans une des salles. À la base c'était le projet qu'on avait essayé de joindre avec elle, mais elle était dans le refus. On lui a dit bah écoutez nous on est là, on a besoin de se loger. Et si... elle avait juste besoin d'une salle pour ses cours. Et on était là genre, mais il n'y a aucun problème, on vous laisse la salle, le bâtiment il sera tenu en état, très propre. Et du coup, elle a toujours refusé, ils ont toujours refusé de communiquer avec nous. Donc là, je pense qu'actuellement, quand on... ils ont mis des petits stickers sur la porte, quand on repasse devant, on a vu, il y a écrit « Avis à tous les corps de métier, si quelqu'un vous demande d'ouvrir la porte, c'est un squat. » Il y a écrit « cours de danse, comment ça s'appelle déjà ?» Wellness, dance for wellness. Et cette même femme qui nous avait hurlé dessus. Si vous venez pour une intervention, n'intervenez pas, c'est un squatter. Ouais. Ça aussi. Des petits posts. Donc il doit y avoir une salle du bâtiment qui est utilisée sur les 15. Ok. Et vous vous sentez comment par rapport à l'expulsion et la procédure qui a eu lieu aujourd'hui ? Dans tous les cas, je pense pas qu'un squat ou qu'un collectif puisse se porter au tribunal en pensant gagner. Je pense pas que. On voulait gagner du temps, c'est certain. Après, on aurait voulu conventionner, c'était pas possible. Et si on a été au tribunal, enfin, c'est qu'on voulait, on devait gagner du temps, puisqu'en fait, ils ont engagé contre nous une procédure unilatérale. Une procédure unilatérale, c'est quand ils disent que. Les gens qui sont dans le bâtiment n'ont pas donné leur identité au propriétaire. Nous, on l'avait fait. Du coup, on a voulu contrer cette requête, aller vers une procédure contradictoire pour dire « Ok, on est là, on a tel besoin. » Et généralement, dans ces cas-là, tu peux rester, tu peux gagner un mois ou deux, voire plus. Sauf que là, à l'audience, ce qui s'est passé directement, c'était filmé en plus. C'est que le juge a dit qu'il était allergique au squatteur. Après nous avoir dit bonjour, après nous avoir vu. Il a dit qu'il était allergique au squatteur, qu'il avait besoin d'un médicament, ce à quoi l'avocat de la partie adverse a répondu « Mais c'est pas un médicament qu'il nous faut, c'est un docteur, c'est une maladie. » Puis là, ils ont ri tous les deux d'un rire gras. Et du coup, à ce moment-là, on se disait « Bon, on va peut-être pas gagner beaucoup de jours. » Et en fait, on a gagné 0 jour. Ça arrive presque jamais, enfin, pas gagner, mais généralement, il y a au moins 8 jours pour se retourner. Et là, l'acte... La notice du jugement est tombée fin avril, donc quasiment 2 mois après le jugement, alors que normalement c'est à peu près 30 jours. Et en fait, là où aussi ça. Parce qu'en fait, on comptait aussi un peu sur les listes d'attente de la commune par rapport à la notice d'expulsion qui avait été annoncée. Sauf que l'avocat de la partie adverse avait déjà appelé la commune avec la notice du premier jugement de requête unilatérale, donc qui avait nommé l'expulsion. En disant « j'ai cette notice d'expulsion, il faut prévoir une expulsion au plus vite », sans parler à la commune, qu'en fait on était en tierce opposition. Okay. Donc la commune, elle nous a dit « bah en fait votre expulsion, elle est prévue depuis déjà plusieurs mois ». Mais c'est pas du tout basé sur la réponse du nouveau jugement. Cet avocat, il a des valeurs, comment dire, durant l'audience, il a aussi dit qu'il allait attaquer la commune d'Ixelles, il trouvait ça honteux que les expulsions soient interdites dues au confinement. Et il a fait beaucoup de pression sur la commune d'Ixelles. Et du coup, c'était vraiment un combat contre le squat en général, quoi. Enfin, ça se portait tellement à cœur, c'était probablement ridicule, quoi. Parce que cet avocat était enseignant aussi dans cette école de commerce qui était tenue par le propriétaire. Donc en fait, on est tombé dans un vivier un peu d'amis, je pense aussi. Oui, non, mais c'est ça, quoi. Et c'est vraiment blessé dans le droit à la propriété, Je pense. peut-être qu'il se serrait. Peut-être qu'il met. Patrick Sirens posait probablement sa main sur l'épaule de Michel Heck en disant t'inquiète pas, je vais résoudre ce problème. Oui, et en plus, il était assez virulent dans leur contact entre avocats. Généralement, les avocats, même s'ils sont investis dans le cas de leurs clients, en fait, il y a toute une déontologie. Notre avocate nous a dit qu'il était dans sa correspondance hyper virulent. Ouais, hyper virulent. Ouais. Ok. Pas du tout, il y avait, ouais, il y a pas du tout d'acte de bienséance, c'était vraiment hyper cash avec notre avocate. Ouais, il se moquait d'elle, c'était agressif. C'était très masculin. De toute façon, le premier contact avec cet avocat-là, c'est quand on a refusé de partir parce que du coup, on a ouvert. Peut-être 2 semaines après, on a eu la visite de cette dame qui était d'ailleurs venue avec 2 champions de taekwondo au cas où, parce qu'elle savait pas sur qui elle allait tomber. Je pense que l'image du squat a la vie dure. Et pour elle, c'était... Ah bah c'était outrancier ce qu'on avait fait. Et du coup, elle nous avait dit, ben, vous devez partir sous 3 jours. Et nous, on a dit non. Puis il y a un moratoire qui empêche les expulsions, donc on va pas partir tout de suite. Nous, on aimerait rencontrer le propriétaire. En fait, on peut entendre ce que vous dites, et vous êtes probablement honnête. Je vais pas remettre ça en question, mais nous, on veut parler avec le propriétaire, en fait. Vous n'êtes pas propriétaire, vous avez pas droit sur ce bâtiment. Donc nous, on veut parler avec le concerné. Et elle est revenue, et puis elle devait revenir, et puis elle nous a appelé en disant « Non, mais je vais pas venir, j'ai mal dormi, cette histoire, ça me travaille. » Et puis en fait, on a reçu le mail de l'avocat qui disait « Sans désemparer, si vous n'êtes pas parti le 6, je vous attaquerai tous en justice. Et étant donné que vous n'avez pas d'entité juridique, vous serez tous responsables, indépendamment chacun entre vous. » Est-ce que dans tout cet épisode, il y a des moments où vous avez personnellement... vous deux doutez du fait que vous voulez continuer à squatter, soit parce que vous vous sentiez plus légitime, soit parce que trop compliqué, trop de danger, trop de risques, pas assez d'énergie? Au tout début, du coup, quand elle est venue et quand elle s'est fait passer pour la voisine et que j'ai eu l'impression de lui voler un projet, là ça a été dur, parce que du coup c'était hyper fourbe, parce qu'on venait de passer un moment ensemble, mais il y avait quand même une énergie dans l'air qui était absurde, il y avait un truc qui marchait pas, donc il y avait mon intuition qui était, je sais pas, c'était compliqué. Et on visitait toutes les pièces, et c'est au moment où elle me dit, vous savez que cette maison va être mise en vente? Donc là elle se faisait encore passer pour la voisine, et j'ai fait, mais comment la mairie peut savoir, comment la commune peut savoir si la maison va être mise en vente, enfin. Et là elle a explosé. Et c'était dramatique, quoi. Tout le monde avait les larmes aux yeux. Enfin, c'était intense, quoi. Et à ce moment-là, du coup, je m'étais sentie coupable. Genre, j'étais là, genre, oh mon Dieu, mais c'est horrible. En plus, on reproduit des schémas. Elle nous a accusés d'être racistes. C'était dur, en fait. Elle a joué sur plein de tableaux, sur lesquels on peut rapidement se sentir coupable. Mais en fait, on était là, genre, on s'est remis dedans. En mode, en fait, non, c'est un logement, c'est un accès au logement. On la prive en rien de son activité. C'est même pas elle la propriétaire. On peut pas la rencontrer. Mais au début, du coup, ça a été une bonne expérience pour ce côté-là de se déculpabiliser, de dire « Ok, je suis là, c'est mon logement, et je ne t'empêche en rien de mener ton activité. » Mais c'est impossible pour certaines personnes de déconstruire à partir du moment où il y a eu effraction, c'est trop. Elle disait ça, elle parlait beaucoup de... je pense que c'était quelqu'un qui avait une morale très catholique, mais... Enfin, je pense qu'il y a 1000 manières d'avoir une morale catholique, mais elle parlait beaucoup de ça, de la morale, que... Mais en même temps, la morale catholique, c'est aussi d'accueillir les gens, je pense. J'ai pas trop compris. Ok. Et là, maintenant, vous vous sentez d'attaque. Est-ce qu'il y en a dans le groupe qui veulent plus trop... Ça revient un peu à la même question, mais vous avez l'air plutôt d'attaque, en fait, toutes les deux. Oui. Et est-ce qu'il y en a dans le groupe qui ont vraiment été refroidis par l'épisode au point de plus vouloir squatter, par exemple? Il y a un membre du collectif qui est reparti en colocation, là. Ok. Ouais. Après, au sein de la vie en collectif... il y avait des tensions, en fait. Okay. Parce qu'on sait tous... Mais ça, c'est je pense que ça a ramené à un autre sujet, mais parce qu'en fait, on se connaissait pas tous avant, en fait. Et en fait, on n'a pas pu vivre ensemble et on n'avait pas les mêmes valeurs sur plein de choses, quoi. Et du coup, il y a eu des tensions et... La fin était assez dramatique. Hein. Ça a été assez... Moi, j'étais presque contente de me dire, en fait, on part de ce bâtiment, c'est terminé. Ça, on a été dans un laboratoire humain, on a expérimenté plein de choses, le collectif. Et en fait, là, maintenant, on sait ce qu'on veut dans le collectif. Je pense qu'on se connaît plus qu'au début, en tout cas ceux qui restent et qui continuent. Mais moi, j'avais presque un soulagement de me dire, et j'avais pas envie de traîner à me dire, ah, mais on peut encore gagner une semaine. Parce que du coup, on a fait tous les événements pour essayer de... trouver des fonds pour payer nos frais d'huissier. Après, on devait partir le 5, et puis finalement, on a eu un appel de l'huissier qui nous disait « Ah ben non, la police communale, elle est surchargée, elle a retardé votre expulsion. » Et du coup, J'ai l'impression qu'on était tout le temps en montée et on nous a enlevé le climax de partir. On déménageait, pour... c'était fou, quoi. Et du coup, les retombées, pendant 2 semaines, on était là, dans le bâtiment, avec des cartons partout. C'était... On avait commencé à vider la moitié de la maison. Le jour du déménagement, on apprend ça. C'était assez catastrophique. Et j'avais vraiment envie de me dire, on prend les clés, on paye, on s'en va. Et puis, en fait, on repart de nouveau sur autre chose. Et du coup, même des choses qu'on a apprises... Au niveau juridique, au niveau de comment négocier, même s'il y a toujours des questions qu'on se pose, je pense que là, on repart moins de zéro que ce qu'on a pu faire. Ouais. Mais la fin a été assez dramatique. Moi, je suis assez contente de me dire, là, on repart sur quelque chose d'autre, avec une équipe où on est assez d'accord sur ce qu'on a envie de faire. Et on va ouvrir un lieu... plus petit aussi. En fait, si on ouvre un lieu plus grand, je pense que direct on va écrire une charte. Là, on va ouvrir. Enfin, il y a plein de choses qu'on a loupées en fait. Mais on va ouvrir un lieu sûrement plus petit parce que là, dans le bâtiment dans lequel on était, il y avait des lieux d'activité. Mais c'était grand aussi. C'était grand. Les chambres étaient éloignées. On s'est fait happer par le bâtiment. Et on a envie d'un truc plus. C'est vrai que moi, ça faisait déjà 3 mois que j'avais quitté ma coloc. J'avais plus une seule thune. Et quand je suis arrivée à Bruxelles, j'étais déjà en squat que j'ai quitté parce que. Les valeurs partagées, ça m'allait pas du tout. C'était clairement une maison d'habitation et personne ne voulait voir sa tranquillité chamboulée. Et donc après, j'avais pris une coloc en me disant, bon, en fait, on va se remettre un peu au vert. Et puis j'avais vécu une super mauvaise expérience dans ce squat-là, notamment un abus sexuel. Et du coup, j'ai pris une coloc, j'arrivais à la fin de mes économies et je me suis dit, bon... Puis j'avais des copines qui voulaient ouvrir un truc, mais elles étaient plus centrées sur le bâtiment d'activité. Et je leur ai dit, en fait, si on ouvre un squat, je vais pas venir tous les jours ouvrir pour proposer des activités. On habite dedans, en fait. Moi, j'habite dedans. Pour moi, c'est pas possible d'avoir un endroit et de venir comme si c'était un bureau. Ouais. Et en fait, elles sont toutes reparties sur d'autres projets. Et moi, je me suis dit, ben non, en fait, je vais me tenir à ça. Donc Clémence arrivait sur Bruxelles, donc je lui ai dit, ben moi, j'ouvre un squat, on ouvre un squat, on trouve des gens et on fait ça. Et donc ça faisait déjà 3 mois que je faisais du canapé, on avait fait plein de repérages, on avait cherché plein de lieux, et en fait il y a ce lieu où, je sais pas, ça semblait facile de rentrer, la serrure posait pas trop de problèmes, c'était vraiment vide. Et du coup on est rentré, et je me rappelle la première fois qu'on est rentré dans le bâtiment, on était vraiment mais comme des fous à visiter, on était là, waouh, mais c'est énorme, là on pourrait faire ça, là on pourrait faire ça, là on pourrait faire... Oh là là, mais c'est incroyable! Et en fait, le soir, je me suis endormie et j'étais là, mais t'es en train de te faire happer par quelque chose qui te dépasse, par des trucs que t'as même pas envie de faire. Enfin, parce que souvent, je trouve, tu peux vite être happé dans un lieu en disant on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et en fait, t'as une liste tellement longue de choses que t'as envie de faire qu'il n'y a jamais rien qui se construit vraiment. Mais moi, j'ai pas vécu comme ça, cette ouverture. Et tout le monde était blasé. Tout le monde était blasé, justement. J'étais super frustrée, tout le monde était... On ouvrait un truc incroyable et tout le monde... Bah et oui, vous mais aviez peur que... directement, vous étiez là genre, mais c'est trop grand pour mais nous. Mais parce que je faisais happer par un truc, quoi. Et j'avais plus envie de me dire, ok, on fait ça, et puis si ça marche, on va faire ça après. Mais plus cocher des trucs que me dire, on va étaler tout ce qu'on a envie de faire. Parce qu'on n'était pas assez nombreux en plus, et je pense qu'on s'est perdu là-dedans. Le fait d'avoir à chaque fois aussi un mois, parce qu'en fait, on a tenu avec le moratoire anti-expulsion. Et à chaque fois, c'était juste prolongé d'un mois. Donc ça, c'était super dur de se projeter. Parce qu'on était là, peut-être dans un mois, on s'en va, donc... Ouais. Il y a plein de trucs qui ont coulé dans... Ouais. Mais après, c'était quand même... Il y avait plein de fois où j'étais là, non mais c'est génial, on fait ça et tout, c'est trop cool, mais... Je sais pas, j'étais un peu dans l'indécision. Ouais. Merci pour ce débrief, sauf si vous voulez rajouter quelque chose. Ok. Curieux de voir où est-ce que ça mènera. Merci, merci. On s'écoute Menos Comisaría de Ocupas, moins de commissariat. Violencia en la comisaría, violencia. interviewé quelqu'un qui est encore impliqué donc, dans la suivi, c'est ça, de la campagne de réquisition solidaire. Parce qu'on a entendu que cette campagne était clôturée, mais ce n'était pas la fin. Et donc c'était une sorte de transformation. Et on voudrait bien savoir, avec à la cloche de bois, qu'est-ce que vous faites maintenant, c'est quoi la suite et comment ça continue? Ouais, bah du coup, on a clôturé officiellement la campagne en fin mars, en tout cas sous forme de campagne d'occupation médiatique, politique et massive qu'on a pu organiser pendant tout l'hiver. Et on s'est plutôt transformé avec l'idée de décentraliser un peu, d'essayer de décémer, de multiplier les pratiques d'occupation, de squat. Et notamment, là, ce qui est fait, c'est on fait des permanences squat tous les lundis de 17h à 19h30. À l'occupation Louise, la dernière qui était occupée pendant la campagne. Donc, si ça intéresse certains, c'est au 80 rue Livourne. Donc, c'est tous les lundis. L'idée, c'est de pouvoir partager des outils pratiques, juridiques, politiques, autour du squat, de l'occupation de manière générale. Donc, ça, c'est un des aspects concrets qui continue. Et puis, le réseau qui s'est créé pendant la campagne, tous les liens entre les collectifs. L'idée, c'est qu'il reste là et qu'il puisse être réactivé si à certains moments, il faut pouvoir soutenir certains squats, certaines occupations, ou dans le futur, s'il faut refaire certaines grandes occupations qu'on a pu faire, voilà. Ce sera toujours réactivable à ce moment-là. Et ouais. Puis on assure le suivi, un minimum, des occupations, où c'est encore en négociation, ou encore des discussions qui se font, comme à l'avenue Louise. Ouais, parce que c'est un peu la gestion qui a pris des bâtiments par des groupes, des collectifs même, mais il y a quand même un autre groupe qui continue à soutenir au niveau négociation, convention. Ça ouais, ça. Donc là, pendant la campagne, on a toujours ouvert à la demande de collectifs qui existaient déjà et qui fonctionnaient ensemble, mais avec l'idée de pouvoir les appuyer dans l'ouverture, mais aussi un peu dans le suivi, surtout la négociation, tous les aspects juridiques, discussions et tout ça. Concrètement, donc récemment, quand même, avenue Louise, vous avez pu éviter qu'il y ait une expulsion. Après plusieurs stratégies tactiques, quoi, selon toi, finalement, ça a été le plus efficace ou comment ça a été fait? L'occupation à Louis, c'est un peu symbolique parce que c'est un énorme bâtiment, c'est des 1000 mètres carrés. Ça appartient à une famille noble, très riche, deuxième fortune de Belgique, très sensible à son image. Et du coup, au moment où on a appris qu'ils voulaient nous expulser, ils avaient déjà un ordre d'expulsion. Ils étaient en justice dans notre dos en requête unilatérale. On s'est assez vite organisé avec plusieurs personnes qui avaient été impliquées dans la campagne et les collectifs qui avaient été sur place pour un peu attaquer sur tous les fronts, donc pour introduire un recours au niveau juridique pour pouvoir casser leur décision qu'ils avaient obtenue en requête unilatérale, vu qu'en fait ils étaient quand même en discussion avec nous, on avait eu des échanges avec eux, donc ils ne pouvaient pas dire qu'ils ne savaient pas qui étaient les occupants. Et puis surtout, on a essayé de mettre en place une grosse campagne de mobilisation avec d'un côté visibiliser, médiatiser un peu ce qui se passait là, vu qu'on savait qu'ils étaient quand même sensibles à ce qu'on disait d'eux. Donc voilà, on a réalisé une vidéo qui a pas mal tourné, qui présentait la famille et un peu la situation. On a travaillé un peu quelques médias, donc avec quelques articles de presse. On a fait une pétition qui a recueilli 2000 signatures de personnes et 60 d'associations. Et puis on a fait deux actions, enfin une qui n'a finalement pas eu lieu parce que la police était au courant, mais du coup qui avait encerclé tout le domicile de la propriétaire pour éviter qu'on vienne manifester devant chez elle. Et une deuxième où on a pu manifester devant chez elle de manière en surprise. Et je pense que c'est tout ça ensemble, en quelques jours, ils se sont dit oula oula, c'est pas du tout à ce à quoi ils pensent qu'ils s'attendaient en voulant juste expulser des personnes sans papier majoritairement. Et notamment le fait que leur nom était cité en tant que famille de Spoelberg. Panama Papers. Panama Papers. Okay. Et tout ça, voilà. On ne sait pas exactement ce qui a marché, mais on avait l'impression que c'est beaucoup la question de l'image publique, le fait qu'on savait, on s'est permis d'aller manifester devant le domicile de la propriétaire, en expliquant aux voisins ce qui se passait, on avait imprimé des petites lettres pour les voisins. C'est toutes des choses qui font que, parce qu'il y a un peu de la pression. Et là, c'est toujours pas très fluide, mais il y a des discussions qui ont lieu par personnes interposées. Il semblerait qu'on se dirige vers une convention pour un an ou deux, donc voilà, c'est toutes des choses qui sont encore en discussion, mais ça avance en tout cas. Ouais. On espère. Parce qu'à un certain moment, c'était complètement bloqué. Et donc, ça que vous avez dû mener. À un moment, ils ont dit on a un ordre d'expulsion, il faut quitter au plus vite. De toute façon, c'est la justice qui a tranché. Et c'est ça qu'on a réussi à casser. En fait, on avait déjà commencé des discussions qu'à un moment, ils ont arrêté de manière unilatérale. Mais on a réussi à recommencer des discussions pour voir si on peut se mettre d'accord sur une convention. Donc, ça, c'est plutôt en propriété privée. Mais avec la campagne, vous avez eu aussi pas mal de bâtiments publics. Et comment ça se passe un peu avec les bâtiments publics occupés ? Parce que récemment, il y a encore eu une expulsion. La bibliothèque à Laeken, ouais. C'était... À la Casita, qui elle appartenait à Bruxelles-Ville. Ouais. Et donc, quand c'est un propriétaire public, c'est toujours particulier, parce que, notamment là, ils ont pu prendre un arrêté d'insalubrité, ce qui était tout à fait faux. Donc, sur base, vraiment, une expertise du bâtiment hyper bidon. Mais donc, ils ont pu nous expulser hyper rapidement, sans même devoir aller en justice. Et donc, voilà, ça reflète aussi, je pense, les contradictions, la tendance à Bruxelles-Ville... la majorité de vouloir éviter absolument les squats, et quand ils acceptent en fait de les squats ou de conventionner des occupations qui sont faites sans leur accord préalable, c'est toujours parce qu'ils ont une grosse pression publique, médiatique, qu'on a réussi à faire parler du sujet et qu'ils n'ont pas le choix, quoi. Là par exemple, à l'hospitalière, qui était la première occupation de la campagne, là on a, c'est à Bruxelles-Ville aussi, mais on a réussi à la conventionner. Mais ils ont eu une grosse pression directement, il y a eu beaucoup d'articles de presse, beaucoup d'associations qui ont signé un appel de soutien. Et donc là, ils ont accepté de négocier et puis de signer une convention pour un an. Est-ce que c'est aussi parce que c'était un bâtiment de CPS ? Ça joue ou pas ? Le CPS était assez réticent à la base, le président est très défavorable au squat, donc il n'était pas pour, mais... Mais aussi là, peut-être le truc médiatique, le CPS doit accueillir... Ouais, surtout qu'ils voulaient vendre le bâtiment à un privé, donc c'est sûr qu'il y avait tous des éléments qui nous permettaient d'avoir une belle, enfin, une histoire en tout cas à raconter autour de ce bâtiment, et où ils passaient vraiment pour les méchants, quoi. Ce qu'ils étaient, mais... Ouais, mais de côté, Pacheco, c'est quand même aussi un bâtiment de CPS, et là, vous avez été mis dehors, mais après, il y a quand même un appel pour d'autres projets, c'est ça, c'est bien. Tout à fait, le Pacheco. En fait, l'hospitalier, c'est le premier bâtiment, c'est la première fois que le CPS de Bruxelles... Dans les dernières années, se faisait squatter un gros bâtiment comme ça, de manière publique, on l'a médiatisé. Donc, je crois que là, ils ont aussi été pris par surprise. Le Pacheco, je pense qu'ils s'y attendaient. Et surtout, l'hospitalière a un peu déclenché une réflexion chez eux, de dire on a plein de bâtiments vides. Ils vont, a priori, vu ce qu'ils annoncent, ils vont continuer à occuper des bâtiments. Il faut qu'on anticipe ça et qu'on trouve des solutions. Et leur solution était de dire on va faire des appels à projets pour faire des occupations temporaires dans le bâtiment. Notamment le Pacheco, c'est le gros bâtiment qu'ils avaient, très emblématique. Et donc là, ils ont fait un appel à projet où ils excluent le logement. Donc... Ils excluent le logement carrément dans les appels à projet. Ouais. Ça nous était une demande depuis là-bas, on les a même déjà contactés avant de rentrer dans le bâtiment pour voir quelles possibilités il y avait là. Ils ont toujours refusé. Pour la petite histoire, même la région les avait contactés pendant le plan hiver. Mm-hmm. Comme ils ont contacté toutes les communes en disant on a logé des gens, c'est le Covid, est-ce que vous n'avez pas des bâtiments vides? En parlant du Pacheco, le CPS avait refusé, même à d'autres pouvoirs publics régionaux, quoi. Donc c'était vraiment pas favorable au logement. Et puis ils ont sorti cet appel à projet qui était plutôt axé culturel, nouveaux acteurs économiques. Parce que ça, c'est déjà longtemps que beaucoup de propriétaires refusent le logement. Ouais. Mais quand même, je peux dire quand même que la commune a normalement quand même cet objectif ou a quand même le devoir de créer plus de logements parce qu'il n'y a pas assez de logements sociaux. Il y a la liste d'attente et tout ça. Ouais, c'est ça. C'est... En général, les acteurs qui font de l'occupation temporaire, qui font des appels à projets et tout, il y en a très peu qui acceptent le logement. Mais ici, on espérait qu'ils allaient à un moment l'accepter parce que le bâtiment était hyper adapté à du logement. C'est un ancien home, donc c'est plein de petites chambres avec des sanitaires, des douches, et qui était encore occupé il y a quelques années. Donc, hyper facile pour pouvoir loger des gens. Et en plus, c'est le CPS, c'est leur responsabilité. Dans une commune où la majorité est quand même en théorie progressiste, on aurait pu supposer qu'ils n'allaient pas exclure le logement, même en partie, parce qu'effectivement, qu'il y ait d'autres projets sur le site. Et là, vous avez fait une action, plutôt un communiqué de presse. Ça a été apparu où, cette communiqué de presse? Elle est... Par rapport à Pacheco, parce que là, vous avez quand même critiqué cette vision comme... Tout à fait. Ouais, du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a occupé le bâtiment. Après quelques heures, on s'est fait sortir par une grosse intervention policière sous prétexte qu'il y avait cet appel à projet qui allait sortir dans quelques jours et qu'on n'avait qu'à introduire un dossier comme tout le monde. Quand il est sorti, on s'est rendu compte qu'on s'attendait, mais que le logement était exclu, donc que même leur communication autour de notre expulsion du bâtiment était mensongère parce qu'ils savaient déjà qu'il n'y aurait pas de possibilité de logement. Donc voilà, on a fait un communiqué pour dénoncer ça, on a fait une interpellation communale. On était au conseil communal pour l'interpellation citoyenne pour dénoncer ce choix-là d'exclure le logement et de faire un appel qui est quand même très designé ou très pensé pour les gros acteurs de l'occupation temporaire et même pas spécialement pour des occupations à but social ou quoi. Et on n'a pas eu de réponse au communiqué de presse. Ils ont été obligés de répondre à l'interpellation citoyenne au conseil communal, mais en esquivant tout à fait la question. Mais leur principal argument, c'est de dire « Bruxelles-Ville fait déjà beaucoup, on est un CPAS qui aide déjà énormément de personnes, on ne peut pas tout faire non plus, Bruxelles-Ville ne peut pas tout gérer, et puis de toute façon, c'est un appel à projet qui est exemplaire, c'est super. » Et sans jamais vraiment répondre sur le fond du dossier, ce que ça engendre comme dynamique de gentrification de quartier, pourquoi pas de logement alors qu'il y a des possibilités. Ces questions-là, vous avez posé. On les a posées, voilà. Vous avez vraiment discuté là-dessus. Après, c'est toujours le modèle d'une interpellation communale, donc on a droit à 4 minutes pour les interpeller, ils nous répondent, puis 2 minutes pour répondre, mais il n'y a pas vraiment de dialogue. En tout cas, ils ont bien esquivé les questions, et donc voilà. Nous, on a essayé de contacter aussi même tous les partis politiques de la majorité, on n'a jamais eu de réponse. Ouais, ils sont bien enfermés dans leur logique. Ce qu'il faut faire, c'est attirer des nouveaux publics en centre-ville, c'est truc culturel, des start-up. Mais en tout cas, pas des sans-papiers, pas des pauvres. Mm-hmm. C'est pas ça qu'on a envie de voir. Et ça peut être étonné, toutes les communes, parce que vous avez été plusieurs communes, vous avez fait des trucs aussi à Molenbeek. Ils sont tous avec cette vision-là. Je pense qu'en tout cas, Bruxelles-Ville est bien exemplaire dans cette vision-là, et parfois presque caricaturelle, et qu'il y a plein d'acteurs publics qui la partagent. Après, il y a des communes qui parfois sont plus ouvertes. En Molenbeek, on a eu moins en tout cas de confrontation avec elle, où en général, ils se la jouaient plutôt intermédiaire entre les propriétaires et nous. Après, on n'a pas squatté de bâtiments de la commune, donc on ne sait pas comment ils auraient réagi si c'était un bâtiment à eux. C'est toujours les bâtiments privés ou de la région, un bâtiment de CityDev. Donc voilà, là, ils la jouaient intermédiaire et ils évitaient de nous envoyer des flics en nombre, ce qui est déjà intéressant, mais on ne saura jamais comment ils auraient réagi s'ils avaient des bâtiments. Et à Jette, là, où ils ont été expulsés, les personnes sur le bâtiment d'Action d'Amiens, ouais. Là, c'était d'une ONG, même, qui avait quand même obtenu une expulsion. Et là, la commune, au début, soutenait tout à fait le propriétaire. Et au final, un peu sous la pression, ils ont commencé un peu plus à faire intermédiaire, mais toujours avec distance, quoi. Heureusement, il y a quelques communes qui vont être parfois plus proactives pour soutenir les occupations, ou en tout cas, au minimum, gérer les situations humaines qu'il y a derrière. Mais ça reste quand même une minorité, quoi. Et sur leurs bâtiments qui leur appartiennent en propre, j'ai l'impression de la règle générale, en tout cas, des cas que moi je connais, il y a peu d'appels à occupation temporaire qui soient vraiment bien pensés. Pour que ce soit des projets qui répondent à différents enjeux sociaux, en tout cas qui laissent la possibilité par exemple de logement qui est un des gros besoins. Parce qu'à un certain moment, il y avait quand même, j'ai bien compris, un peu une vague de logements sociaux qui était en train d'attendre des travaux, que là il y avait plusieurs conventions qui étaient faites pour loger temporairement des gens quand même dans le besoin. Est-ce que cette vague-là ou est-ce que ce truc-là est un peu arrêté? C'est vrai que ça continue encore, mais c'est pas des gros appels à projets, ce sont plutôt avec des acteurs, par exemple la Fébule ou quoi, qui démarchent vraiment certaines communes ou surtout les bailleurs de logements sociaux. Et donc là, en tout cas, je sais, par exemple la Fébule, là ils ont un nouveau gros projet sur une cinquantaine d'appartements. Mais ça, c'est parce que c'est une association, c'est ça? En tout cas, c'est une association qui a beaucoup d'expertise là-dedans, ça fait longtemps qu'ils font ça, qu'ils sont financés pour le faire. Et donc c'est sûr que c'est un autre cadre que la campagne de réquisition. En fait, nous, on a squatté pour répondre à des situations d'urgence. C'est des collectifs, c'est des squatteurs, c'est des individus. C'est une autre dynamique. Pas... Oui. Donc c'est sûr que les communes, en général, même les pouvoirs publics, sont moins favorables, moins en confiance par rapport à ce genre de dynamique, et voire carrément hostiles à ça. Donc, c'est pour ça que l'exemple de Pacheco, c'est exemplaire, quoi. Mmh. Ils refusent complètement toute possibilité de squat, d'occupation, de logement. Ils font un appel à projet designé pour les gros acteurs sans logement. Et finalement, là, ça vient de tomber. Ça va s'appeler Pali Pali. Et c'est les mêmes qui gèrent CU, c'est des acteurs qui viennent du privé. C'est même pas une association ou quoi. Et qui sont un peu, ils font un peu du marketing et de la gestion start-up de bâtiments vides, quoi. Et voilà, même dans ce cadre, occupation temporaire, conventionnée, où il y a plein de projets qui pourraient se passer, les choix qu'ils font, c'est de choisir les acteurs qui viennent du privé, donc même les critères qu'ils mettent n'excluent pas ces acteurs-là, et en fait non, ils les choisissent, ils communiquent super bien, c'est bien pour l'image de la ville de Bruxelles, et c'est ça qui ressort. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de plus en plus d'acteurs à Bruxelles. Vous êtes confrontés beaucoup... Qui font l'occupation temporaire? Oui. Ouais, donc il y a un peu les acteurs plus historiques, en tout cas qui viennent plutôt du milieu associatif, ou parfois des milieux squat qui sont un peu plus institutionnalisés, mais que ce soit Toustan, même la Comuna, ce genre d'acteurs, voilà, qu'on soit d'accord ou pas avec la manière dont ils conventionnent, c'est quand même des acteurs qui viennent de l'associatif, qui ont quand même une certaine logique derrière, Et maintenant, ce qui apparaît sur le marché, c'est de plus en plus d'acteurs vraiment purement privés. Ouais, effectivement, en mode start-up, qui vont être super bons en com. Et ça, c'est encore des gens qui répondent à l'occupation temporaire, voire carrément des agences plus anti-squat, type Anthrax, Camelot. Non, parce que tout ça, c'est rien pour le logement. Il n'y a aucun acteur, sauf que tu dis peut-être Fibule dans le milieu associatif, ouais, encore, et les squatteurs qui continuent à exiger quand même le logement dans des conventions aussi temporaires. Bah, je pense, parfois, ouais, c'est à la marge, il y a quelques projets de logement, comme avec Comuna, en tout cas, ou Autostand. Certains moments, il y a quelques possibilités qu'ils arrivent à saisir. Ouais. Mais ouais, eux, dans le cadre des appels dans lesquels ils peuvent répondre, en tout cas, de ce que moi je connais, quasiment tout le temps le logement est exclu. Et voilà, ça crée cette logique-là que les pouvoirs publics, c'est beaucoup plus sain de faire des appels à projets sans logement et qu'il y a des acteurs qui vont y répondre, que ça va être chouette, que ça va attirer des nouveaux publics. Donc maintenant, avec cette soi-disant encore plus de bâtiments vides à cause de télétravail, les bureaux vides, c'est aussi de nouveau plein d'appels à projets déjà. C'est déjà lancé ce genre de. Là, je ne saurais pas dire si avec le télétravail, il y a vraiment eu des appels à projets qui sont nés directement de ça. Mais en tout cas, c'est sûr que ces derniers mois, il y en a eu quelques-uns, en tout cas, post-Covid. Mais je ne saurais pas dire si c'est vraiment des bureaux qui ont été vidés à cause du télétravail ou pas. Mais en tout cas, il y a tellement de bâtiments vides que ce n'est pas ça qui manque. Donc, il y a plusieurs communes qui font des appels à projets pour occuper des bâtiments, ouais, vides, beaucoup plus qu'avant. Ouais, j'ai l'impression que de plus en plus, les pouvoirs publics, soit communes, la région ou même... Les trucs un peu parastato, la SNCB ou des choses comme ça, voient dans l'occupation temporaire une solution pour que leur bâtiment soit géré, pour que ça soit bien pour leur image. Et parfois, avec beaucoup de volonté, de dire ah, c'est chouette, ça va permettre des choses d'activité dans le quartier, d'attirer des artistes, d'attirer des start-up. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, avec assez peu de réflexion sur comment penser ces appels-là pour éviter les effets de gentrification, d'exclusion sociale. Enfin, parfois, c'est délibéré. Ils veulent favoriser la gentrification et tout ça. Et parfois, c'est juste des impensés tout eux. Enfin, parfois, il faut discuter avec certains politiques ou quoi. Ou... Ils ne voient pas les effets. Ouais, c'est des questions qui ne se posent même pas. Quoi. Ils trouvent ça juste. Ah, mais oui, c'est génial de faire une occupation temporaire avec des artistes dans un quartier populaire. En fait, ça génère des dynamiques et c'est vraiment des impensés. Ou les... Enfin, j'ai l'impression que c'est ça qui est un peu inquiétant ou ce à quoi on va être confronté dans les prochains mois, années. C'est. Cette massification de l'occupation temporaire conventionnée avec des appels qui permettent pas toute une série de dynamiques. Parce que là, on parle de logement, dynamique plus sociale, mais par exemple, toutes les dynamiques plus politiques qui peuvent être portées dans les squats, plus autonomes et tout ça, bah, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile à faire rentrer quand il faut négocier avec les pouvoirs publics, rentrer dans les cadres de convention. Et c'est pour ça que la pratique du squat ou de l'occupation non conventionnée, elle est hyper importante, mais en tout cas, elle est mise en concurrence. Elle est de plus en plus difficile encore. Ouais, maintenant, c'est... avec tous les appels à projets pour obtenir des bâtiments. Ouais, ça, il y a plein de bâtiments qui pourraient être adaptés pour faire des chouettes squats. Ou du coup, maintenant, les propriétaires se disent ah ben, on va éviter qu'ils soient squattés, on va faire les appels à projets. Et même quand il y a moyen de les squatter, ben, les propriétaires sont souvent encore plus réticents parce qu'ils disent bah, vu qu'il y en a plein qui le font de manière conventionnée, qui ont une bonne image, du coup, pourquoi est-ce que j'accepterais de négocier avec eux? Mais ça, c'est déjà un trend qui a déjà quelques années. C'est juste qu'il y a peut-être de plus en plus de partenaires, ouais, encore, ouais, c'est ça, qui mettent encore de plus en plus de pression maintenant sur le pouvoir squatter. Ouais, complètement, c'est pas nouveau, mais deux, trois dernières années, ça a eu tendance vraiment à s'amplifier, quoi, encore. Et en plus, pour ajouter à ça, les trucs vraiment anti-squat, genre Camelot, ou maintenant l'État fédéral a signé un accord cadre avec une agence qui est aussi de l'anti-squat. Où bah, eux, ils font payer deux fois, quoi. Ils font payer les propriétaires pour garder le bâtiment et ils mettent des gens dedans qui font payer aussi. Mais c'est le truc de co-living, c'est le truc des étudiants, c'est ça? Non, c'est encore autre chose. Là, c'est vraiment Anthrax, par exemple, ou Camelot, c'est un modèle qui vient des Pays-Bas. Le propriétaire paye pour que l'agence surveille le bâtiment et l'agence va mettre dedans des occupants qui ont des contrats hyper précaires, genre qui ont peu de possibilités de partir, qui doivent rester... dans le bâtiment de manière hyper régulière, qui sont censés être les gardiens du bâtiment et qui payent un loyer pour ça, quoi. Du coup, voilà, ça fait encore des modèles encore plus pervers parce que ça, c'est vraiment purement économique, capitaliste et purement anti-squat, quoi. Donc là, il n'y a même pas de vocation à développer des feux d'activité ou... Mais eux sont déjà quelques années présents à Bruxelles aussi. Ouais, ouais, Camelot, ça fait quelques années. Ouais, voilà, par exemple, c'est... Ouais. Je ne sais pas à quel point les pouvoirs publics avaient tendance à passer par eux jusqu'à maintenant. Mais là, par exemple, l'État fédéral, ils viennent de signer avec une agence comme ça qui est aussi les Pays-Bas pour les bâtiments vides de l'État fédéral. Quoi. Ça, c'est un nouveau truc qu'ils ont signé, c'est ça que ouais, tu dis, c'est quelques... un nouveau, quand... Je ne sais pas exactement, mais c'est assez récent. Donc, c'est-à-dire que, ouais. Ouais. Bon, Bruxelles. Du coup, les enjeux à Bruxelles sont encore grands. Mais il y a quand même un réseau anti-squat. Un réseau inter-squat, je voulais dire. Comment vous essayez quand même de renforcer, comme tu dis, avec la permanence squat, pour quand même continuer à battre, c'est ouais, ça évidemment. Ah, évidemment. Oui, même si à tout ça, par exemple, le confinement, c'était une période de grande émulation dans un milieu squat, avec énormément de squats qui ont été ouverts, la campagne de réquisition qui est née, qui fédérait quand même une série de squats et d'autres collectifs, associations. Et plein de choses qui sont faites à côté. Non, la dynamique squat, elle est quand même bien vivante. Il y a pas mal de connexions aussi qui se font, qui existaient déjà, mais qui se renforcent ces derniers temps, entre les squats, même entre les squats et les occupations conventionnées. Et qui fait que, ouais, il y a quand même un chouette réseau, qu'il y a des dynamiques qui sont multiples, mais qui sont quand même connectées entre elles. Il y a le front anti-expulsion, qui est plus large que la question squat, mais qui permet aussi de travailler sur les questions d'expulsion. Donc. Ouais, même s'il y a une tendance... qui n'est pas spécialement positive, il y a quand même plein de choses qui se passent. Et le squat a encore des beaux jours. Il y a aussi plein de mouvements personnes sans papier qui continuent aussi à occuper ensemble et en soutien, tu vois. Mais... Et qui même multiplient les occupations, je pense que. Ouais. Enfin, c'est toujours un peu par vague, évidemment, mais. Mais quand même, il y en a. Donc là, on est un peu dans une vague qui remonte, il y a de plus en plus d'occupations. Mais aussi un peu grâce à la campagne. Bah, la campagne a soutenu pas mal de collectifs sans papier pour réouvrir des bâtiments et un peu. On a eu quelques victoires, on a pu en tout cas mettre la pression sur les propriétaires pour obtenir des conventions pour des bâtiments qui sont assez chouettes, qui sont grands, qui permettent d'accueillir pas mal de monde. Donc, là, je pense dans les bâtiments de la campagne. À l'heure actuelle, il doit encore avoir 400 personnes qui sont logées et dans les bâtiments conventionnés, donc quand même avec entre quelques mois, un an, deux ans devant eux. Donc, quand même des belles victoires. Quoi. Oui. Bon, peut-être on peut clôturer avec cette note de victoire. Et bonne continuation. Merci. Merci pour l'invitation. Et on va poursuivre avec Stratch, un groupe allemand, qui a joué ce 18 mai devant le Copy, un squat historique de Berlin qui a plus de 30 ans, dont je vais vous parler dans quelques instants. Mais donc là, c'était un concert de soutien. Stratch, The New Forget. Thank you. Scratch en direct du Copy le 18 mai. Copy Blive! Copy Blive! Copy Blive! Donc, qu'est-ce qui se passe à Berlin? Ben, d'une part, il y a la destruction suite à la Deuxième Guerre mondiale de la ville de Berlin, entre autres. Et la chute du mur, et donc au niveau, je dirais, politique, c'est très tendu. Au niveau contre-culturel, c'est très prolifique. Et puis il y a simplement le besoin de se loger et des zones d'ombre qui fait que surgissent des mouvements en squat et des occupations. Alors, c'est surtout du côté de l'Allemagne de l'Ouest, dans les années 70, où ça va prendre le pli. Notamment dans les districts de Kreuzberg. On va voir apparaître des squats qui vont être un vrai microcosme de gens qui vont s'organiser en coopérative d'habitation. Il y aura des cuisines populaires, il y aura des publications imprimées, des organisations de vie underground qui va de la survie à des choses plus futile, artistique et autres, mais où politiquement ce sera fortement intense, avec des objectifs antinationalistes, antifascistes, bah oui, avec l'histoire de l'Allemagne, l'antifascisme face à l'histoire de ce qui vient de se passer sera assez fort, anticapitaliste, féministe, radical, toute une culture d'activisme très intense, avec une vivacité qui va nourrir un mouvement autonome très prolifique et où va succéder des occupations, des manifestations, toute une stratégie de construction de barricades, de résistance très soutenue entre les différents squats et qui aura une force dans les années 70, 80, 90. Et je dirais que là, on est dans une période où y a plutôt plus de répression dans les squats et peut-être une force un peu moins importante dans le mouvement. Mais revenons à ce passé de squats où ça va être beaucoup à l'ouest, mais également dans les quartiers orientaux, notamment dans le MIT, dans le Friedrichshain, Prenzlauer Berg, et notamment le fameux squat qui a duré de 1990 à 1912, le célèbre Kunsthaus Tachless, qui est un immense bâtiment qui va être occupé par... Donc au départ, il devait être détruit, et c'est des artistes politisés qui vont l'occuper pendant 22 ans. Bref, tout ça va donner une vie, comme je disais... très très prolifique en termes de stratégie, de construction de groupes, de résistance, de mode de vie carrément, par rapport aux résistances traditionnelles. Et voilà, comme la plupart des grandes villes, Berlin va subir la spéculation immobilière, le prix des logements va s'envoler, le prix des terrains et des locations également. Et du coup, on va voir apparaître... un intérêt chaque fois plus important des spéculateurs immobiliers, de l'État, pour expulser, avec différentes stratégies, expulser violemment, expulser ou intégrer certains types de squats en légalisant certains squats moins politiques, en privilégiant, je dirais, certains squats moins politiques par rapport à d'autres squats plus virulents. Et va s'en suivre toute une série de vagues, de tentatives d'expulsion. Alors, je peux prendre un exemple là en 2009, où il y aura 600 policiers qui vont prendre d'assaut un bâtiment dans la ville, donc dans le fameux squat Rigart 94, qui a été expulsé là récemment, et qui va être défendu. Et là, pour revenir sur le présent, il a été expulsé. Alors on le sait, on l'a appris par la suite que c'était une expulsion illégale pendant le confinement, mais c'était un des squats historiques de Berlin. Voilà, le Copy Kope, c'est un squat qui a 30 ans, qui est dans le quartier de Kreuzberg, donc à côté de la Spree. Et donc du coup, le Copy, c'est une occupation qui a été faite en 91 pour empêcher la démolition d'un bâtiment. et qui se trouve, comme je le disais, dans le quartier de Kreuzberg au départ. Donc il y avait des habitants, des habitantes dans ce bâtiment et ils ont pu négocier la continuation d'un contrat d'habitation, malgré le fait qu'il y avait un nouveau propriétaire qui était acheteur, qui avait des projets, mais en tout cas, ils ont pu négocier au départ un contrat. Alors, en 1994, il va y avoir un autre acquéreur, un certain Volker Peterson, qui va vouloir construire des bureaux là où se trouve le copy. Qui est vraiment un immense bâtiment avec une cour intérieure qui est presque une espèce de petite place. Et puis après, dans son prolongement, il y a un Wagenplatz, donc c'est-à-dire un espèce de quartier où vous avez des roulottes, des caravanes, des habitations brick-broc, mais qui fait partie du copy. Et donc l'idée, c'était de faire des bureaux là, en 1993-1994. Il va tenter de résilier les contrats et il va faire une demande d'expulsion. Donc cette demande d'expulsion et cette résiliation va être annulée au moins pendant un certain temps. Et entre-temps, ce même propriétaire, Peterson, va être sous le feu de la presse parce qu'il avait accumulé notamment des dettes et il va être mis sous saisie administrative parce qu'il avait organisé, fait des fraudes par ailleurs et du coup il va y avoir une espèce de no man's land qui va laisser les habitantes et habitants qui sont à moitié squatteurs, pas encore puisque encore avec cette espèce de vieux contrat plus ou moins bricolé qu'ils avaient fait dans les divers changements de propriétaires. Et suite à ça, la Commerzbank va demander une vente aux enchères de la maison. Alors suite à de nombreuses protestations et actes de solidarité, mais quand on dit ça, ça paraît soft, mais c'est des milliers de gens dans la rue qui se battent pendant des semaines de manière assez radicale dans Berlin pour défendre le copy. Et du coup, vu les problèmes, les contentieux d'avant et vu la protestation, Les trois ventes aux enchères qui vont être organisées vont être reportées, retirées ou en tout cas il n'y aura pas d'acheteurs intéressés et du coup il y aura encore un transfert de propriété. Mais avant ça, je vais quand même vous parler des gens qui y habitent, donc qui eux s'organisent sous forme de communauté. Donc il y a plus ou moins 50 personnes qui habitent. À partir de ce moment-là, de ce no man's land, les gens vont quand même payer leurs factures d'électricité, de gaz et d'eau, donc établir un contact avec ces entreprises-là, et il y aura évidemment une forme de rupture par rapport au contrat qu'ils avaient eu. Et donc, on arrive à une vente forcée en 2007 où le tribunal d'instance et les créanciers, la Commerzbank, ont téléphoné à l'avance pour tenir cette vente secrète par rapport aux copies et vont vendre ce bâtiment à la moitié de la valeur marchande à un spéculateur qui s'appelle Besnik Fischner. Ça vous dit rien tout ça, mais derrière tout ça se cache l'immobilier NEHL, qui est un gros immobilier de Berlin, voilà, qui est, notamment est proche de l'extrême droite à Berlin, mais bon, pas toujours sortir le drapeau de l'extrême droite pour faire peur aux gens, pour être critique. Ça peut être simplement un propriétaire très intéressé de faire déguerpir les occupants. Et on arrive en 2013 où il y a une mise aux enchères et où la Commerzbank va mettre deux parcelles du terrain, mais qui sont situées à côté du copy. Donc ils vont mettre en vente ces terrains-là. Il y aura un des terrains qui sera racheté. Mais il y avait un projet, en tout cas, de faire un yacht club de luxe à cet endroit-là. Mais ça ne va pas être possible parce qu'en fait, au niveau urbanistique, c'est compliqué. Parce que simplement, il y a une grande avenue devant le squat et puis encore des bâtiments et puis l'âge près. Donc techniquement, c'était compliqué de faire ce yacht de luxe comme ça. Et donc, ce projet ne va pas avoir lieu et les squatteurs qui vont petit à petit affiner leur résistance et avoir du soutien très large à Berlin, chaque fois défendu par les gens, vont continuer à développer leurs activités. Alors, comme je disais, c'est un espace de vie pour une cinquantaine de personnes. C'est un lieu où s'organisent des concerts, des salles de répète. Il y a un ciné-club, il y a du théâtre, pas mal de gens qui vont passer par le COPI. Et là, récemment, donc la société, la dernière société en date qui est propriétaire des bâtiments, la Stratezia GMHB, a ordonné que le procès qui est en cours contre le COPI pour l'expulsion soit devant un tribunal pénal, donc qui est normalement à la base conçu pour des histoires criminelles organisées. Et donc du coup, là on arrive dans l'actualité très présente, puisque si on est le 9, eh ben, le 10, demain, il y a le procès qui se tient à Berlin, et dont le COPI a appelé des résistances multiples. Et donc, soutenez et soutenons par tous les moyens possibles les camarades et les copines du COPI qui résistent depuis plus de 30 ans à la spéculation immobilière à Berlin. Et pour se fêter ça, on va s'écouter un petit extrait d'un groupe justement berlinois, Atari Teenage Riot, qui, là en l'occurrence, l'extrait que je vais vous passer est un peu expérimental. Ils étaient sur un camion le 1er mai 1999, justement dans l'ambiance des mais hyper activistes, hyper radicaux qu'on peut avoir à Berlin, donc très agité. Et donc il y aura une intervention policière à la fin, enfin, pendant tout l'espèce de live expérimental que vous allez entendre. Donc c'est un peu cru, un peu trash comme son, mais voilà, c'est la moindre des choses. Si on parlait de Berlin, c'était de passer ça. C'est parti, Atari Teenage Riot. Et alors quoi, Titi, qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes toujours à la cloche de bois? Mais oui, sur Radio Air Libre. Mais on va bientôt terminer quand même. Oh non. Bah si, c'est obligé ouais. Des fois. Toutes les bonnes choses ont une fin. Voilà. Ben, donc la rediffusion. D'accord, merci Titi, pour me laisser parler encore un peu avant de mettre la version générique du fin. Donc, les podcasts à la cloche de bois, vous pouvez trouver ça sur le blog à la cloche de bois.noblogs.org. Mais il y a une rediffusion encore sur Radio Air Libre ce vendredi 11 juin à 21h. Après, il y a une rediffusion le mardi le 15 juin à 10h sur Radio Campus et le 92.1 FM. Et il y a une émission en live, donc cette fois-ci, ce n'est pas une rediffusion, à Radio Panique, donc le mercredi le 23 juin à 19h. Et donc là, on fera d'autres choses encore en live qu'aujourd'hui. Donc on change un peu l'émission et on reprend quelques capsules. Ben voilà, n'hésitez pas à nous écrire parce que pour transmettre des infos, pour aider pour l'actualisation, l'actu. D'autres sujets pour l'émission aussi. Voilà. Donc l'adresse mail, c'est à la cloche de bois @riseup.net. Et donc, Il y a encore notre invité qui vient. Je suis désolée, Gwen. Je voulais juste rappeler que bah, si j'étais venue, c'était surtout pour aider les gens. Et donc, je voulais rappeler mon adresse mail. Si vous avez des problèmes, des questions, VanessaCasting, comme casting de film, @yahoo.fr. Allez, c'est parti. On fait un bisou à tout le monde. Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Au mois prochain, avec le gros soleil et tout ça. Merci Titi. En short et chemise à fleurs. Plein de bisous. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ah, ah, ah. La, la, la, la, la. La, la, la, la, la. Ah, la cloche. La cloche de bois. L'émission à la cloche de bois. Intersquat, militante, bruxelloise. Oui, oui. La seule émission militante intersquat bruxelloise de la bande FM. Oh.